qui vient sur le toit ne chanter que pour toi est plus heureux, crois-moi, plus heureux que moi. Oh Lucie, je t'attends en bas. Oh Lucie, en bas de chez toi. Oh Lucie, j'attends, je fais les 100 pas depuis longtemps déjà. Pourquoi ne viens-tu pas? See you.